Chapitre 8e. Le Vandale. Ce matin, Zéphirin, en tatane arrivé, s'est réveillé de bonne heure. Contrairement à son habitude qui le jette au lit vers midi passé, tel un naufragé, hagard et échevelé. C'est l'état dans lequel il émerge après avoir entendu pendant une bonne demi-heure le tintamarre des casseroles de sa mère dans la cuisine. Rien que ce prénom et ce patronyme vous bousillent déjà une vie. Dans la famille, on l'appelle Zézé, et les copains le nomment tout simplement Zé. Quel pot de rire, le jour où, au centre d'apprentissage, le prof de français n'avait rien trouvé de mieux pour élever le niveau culturel de ses élèves, de présenter la fable, le chêne et le roseau. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Tout le groupe était plié de rire, certains allant jusqu'à se frapper le front sur le bureau. Pris lui aussi par l'hilarité générale, le prof avait dû expliquer chaque mot du texte pour qu'enfin les élèves arrivent à capter le sens de la fable. Une fois le texte décodé, l'ensemble des élèves s'était accordé pour dire que c'était beaucoup de salamalek simplement pour dire que même si t'es balèze, une bonne tare dans la gueule peut te foutre par terre et que des fois, il vaut mieux raser les murs que de la ramener. On avait conclu aussi que Zé était un aquilon doublé d'un chêne, vu sa corpulence et sa force. N'empêche que pendant plus d'un mois, Zé ne s'était fait apostropher que par « Oh, aquilon arrive !» ou encore « Oh, le chêne, réveille-toi !» Cette fable resta un épisode mémorable dans la vie du prof et des élèves. Hier, à la sortie du bar, Sauveur lui a confié une mission qu'il doit réussir, d'abord pour gagner de la thune et ensuite pour prouver qu'il est capable de faire partie de la bande et d'être associé à de plus grands coups risqués mais juteux. S'il est pris dans la bande, adieu la malagutie qu'il est obligé de défendre avec force chaîne et cadenas dans la cave pour ne pas se la faire chouraver. Bon d'accord, lui aussi il l'a piqué cette mob, mais dans les règles de l'art. Il a limé les numéros et en a gravé d'autres, ce qui confère à son engin l'état de propriété légale. Avec quelques petits détails perso par-ci par-là, elle est bien à lui cette mob. De toute façon, il énerve tellement les flics qu'ils font semblant de ne pas le voir et surtout de ne pas l'entendre, aux grandes dames des riverains. Si Zé s'est enroulé dans la bande, adieu cette cité pourrie, doux d'accord, on voit la mer, mais où chaque jour est une lutte. Struggle for life, qu'il disait l'autre. Il prendra un appart au bord de l'eau où il pourra garer la rue de Gordini dont il rêve sans se la faire bâcher. Comme un zombie, il traverse la cuisine et ouvre la fenêtre. Il fait un peu gris. C'est un bon temps pour travailler puisqu'on ne peut pas aller se tremper. La cité est calme et le nombre de voitures du parking lui indique que beaucoup ne sont pas encore partis au boulot. Enfin, ceux qui bossent, évidemment. À l'étage du dessous, Conception est déjà levée, prépare à l'avance la bouffe de midi. Il perçoit un grésillement de friture et ne tarde pas à être pris par un violent relent de poissons pas frais. Manque de fraîcheur, vieille huile de sieur, bonjour l'odeur. Allez, il vaut mieux se casser et y aller tout de suite. Plus tôt tu commences, plus tôt tu finis. Arrivé dans la rue derrière l'église de l'Estac, il coupe le moteur, discrétion oblige. Sa mob fait un bruit de guêpe qui risquerait de réveiller un voisin. Il la pose le long du mur et grimpe l'escalier qui conduit à la porte d'entrée. Rapide tour d'horizon, visuel, auditif, olfactif, rien. C'est bon. De son blouson en nylon rayé jaune et noir, comme un frelon, Zé sort sa pince monseigneur et s'attaque à la porte qui ne lui résiste pas longtemps. Une fois à l'intérieur, il la repousse afin de ne pas être vu du dehors. Les consignes de Sauveur ont été claires. Tu casses tout mais tu ne prends rien. Pas la plus petite cagade. T'as bien compris? Ouais, Zé a bien compris. On fait ça pour intimider le client, pas pour le voler. Le carnage commence. L'objectif est tout de même de faire le moins de bruit possible. Allure, au lieu de casser les chaises en les tapant par terre, Zé les coince dans une porte et fait levier jusqu'à ce que les pieds se cassent. Idem pour la table et les chevets. Les abat-jours sont soigneusement écrasés, les céramiques aussi, mais dans le tapis pour éviter l'éclatement. Le pot de vaisselle subit le même sort. Le matelas est soigneusement éventré et vidé de sa laine, quant à l'armoire, les portes en cèdent sous la pression du genou. Zé parsème la pièce de chemise, slip, pantalon un peu partout, comme sur un arbre de Noël. Au passage, il découvre un beretta 9 mm et la tentation est grande de le glisser dans le blouson. Au fur et à mesure de l'avancée de son travail, car pour lui c'est un travail, en tâtant d'arriver est pris d'un lyrisme soudain. Il esquisse des pas de danse avant d'aller éventrer un oreiller, pirouette avant d'arracher la suspension du plafond. Pour faire bonne mesure, il lui vient une idée de génie. Il farfouille partout et dans les WC, finit par découvrir le robinet d'arrêt du circuit d'eau. Il le ferme et va pouvoir terminer dans un sublime allegro. Il parvient à déceler le lavabo en le soulevant. Dans la cuisine, il arrive à arracher le robinet au-dessus de l'évier. Enfin, dans les WC, il enlève le tuyau de descente de la chasse d'eau et tout vient avec. Ah, on va être content de lui, c'est sûr. C'est qu'il est fort, Zé. Limité pour certaines choses, mais fort. Il jette un coup d'œil satisfait sur son œuvre. Il reste le frigo, dont il dégonde la porte doucement avec la pince Monseigneur. Il garde la télé pour la fin, car pour la casser, le bruit est inévitable. Dans une dernière inspiration artistique, il trouve bon de décoller de larges lambeaux de tapisserie. Allez vite! Le pof de l'écran télé conclut la scène. Zé jette un œil dehors, toujours rien. Il repousse la porte, déballe l'escalier. Ça y est, il pleut. Qu'importe, ça va lui laver la tête. Il enfourche sa malagouti, et cette fois-ci met les gaz à fond. Tant pis si ça fait du bruit, puisque le boulot est fait. Au bout de l'étroite ruelle de la convention en pente, une bagnole se pointe en sens inverse. Trop tard, et là, ça fait du bruit, beaucoup de bruit. Antatan arrivé est arrivé, mais cette fois dans le désordre comme le tiercé. Sa tête claque violemment le toit de la bagnole, son bassin explose de pare-brise, ses genoux cabossent le capot. La pince Monseigneur lui laboure le thorax. La matinée avait pourtant bien commencé. Quelle nuit j'ai passé. Ça y est, les fiançailles sont terminées. J'ai l'accord de la belle-mère, test à l'appui. Et il ne nous reste plus qu'à nous mettre en ménage. Gilda m'a comblé. Pourtant, nous n'avons pas fait grand-chose. Mais chacun sait que quand le désir est à son paroxysme, il suffit de très peu pour prendre son pied. Et puis chacun de nous n'a pas voulu dévoiler du premier coup tout son savoir-faire. On en a gardé pour la suite. J'étais sûr dès le départ que notre harmonie horizontale serait parfaite. C'est toujours ainsi quand on a attendu longtemps quelque chose et que l'on a plus d'une fois soupesé et supputé les raisons de son choix. On finit toujours par se persuader qu'on ne pouvait trouver mieux. Cet auto-satisfecit dure un certain temps et je suis dans cette phase-là. Je retrouve mes sentiments d'enfant, la joie que j'éprouvais à enfin posséder l'objet de mes rêves. Je le gardais précieusement dans un coin, ne m'en servant que rarement de peur de l'user. Mon plaisir venait du seul fait de sa possession, de savoir qu'il était là, à attendre que je rentre de l'école. Je sais que Gilda m'attend. Il me suffira de me dire qu'elle est à moi pour éprouver un bonheur ineffable. Si elle savait ce que j'ai dans la tête, elle qui a horreur de jouer la femme objet, elle me maudirait. Ce matin, il me faut retourner chez moi pour relever le courrier et prendre mon linge de rechange. J'ai aussi prévu de passer voir Serge à l'évêché sur le coup de midi. Gilda m'a demandé de raccompagner sa mère à Saucet, ce que j'ai accepté volontiers. Après un petit déj rapide, la mère me lance d'un air mi-figue, mi-raisin. « Je suis prête, Gino, c'est quand vous voulez. » J'apprécie qu'elle ait conservé le vouvoiement, car si Gigi apprenait le coup de canif que j'ai donné involontairement au contrat la nuit d'avant-hier, je risquerais de finir aussi dans le frigo. Dès que nous sommes sortis du village, Paula pose sa main sur ma cuisse. Je regarde la main puis lui lance un coup d'œil rapide, un pas vide. « Roi de grâce, ne fais pas ta bégueule, » me lance-t-elle. « Tu n'en mourras pas, va. J'ai juste besoin d'un peu d'affection. » C'est tout de même drôle que vous, les hommes, vous n'acceptiez pas qu'une femme se conduise comme vous vous conduisez avec elle. Je te rappelle que je ne t'ai pas violée. Je n'ai jamais dit ça. Mais rends-toi compte, si Gilda arrivait, ne serait-ce qu'à soupçonner notre relation, ça mettrait pas si ce que je te dis pas. Ta Gigi est peut-être moins nunuche que tu ne le crois. Il est possible qu'elle ait senti mon parfum sur ton oreiller. Sur ces mots, elle me lance un regard en coin pour voir ma réaction. L'affûter, l'a fait exprès. Je sens une main glacée descendre mon échine. C'est vrai ça, aïe, je n'avais pas pensé. Sois tranquille, Bello, j'avais mis le sien de parfum. Sinon, pour le coup, nous étions grillés tous les deux. Tu ne t'en es pas aperçu. Il faut que je me venge de cette montée d'adrénaline. Ben non, j'ai pas fait gaffe. Mais c'est peut-être pour ça que j'étais si rapidement en forme, puisque c'était le parfum de Gilda. Eh ben, prends ça dans les dents. 15 partout. C'est pour ça aussi que tu me plais, Gino. Sois tranquille, je ne recommencerai pas. Mais je peux tout de même te dire que j'ai de l'affection pour toi, non? Tu ne m'attires pas que pour le sexe. Paula est une femme autoritaire et solitaire, mais dans le fond, elle a du cœur. Il est tout de même dommage qu'une telle merveille soit gaspillée. Aïe, quelle pensée machiste! Pour celle-là aussi, je mérite le poteau. Comme pour me punir, le ciel se met à nous arroser. C'est pas plus mal, car ça faisait un bail qu'il n'était pas tombé une seule goutte. Arrivé devant chez elle, Paula me lance. « Je ne te demande pas de venir prendre un café, ça serait trop risqué. » Dans le village de l'Estaque, je passe en première pour monter la rue de la Convention. Et là, la foudre me tombe dessus. Plus exactement, une espèce de gigantesque frelon vient heurter ma mini de plein fouet, m'éclatant le pare-brise. Me voilà plein de petits bouts de verre et un filet de sang goutte du toit enfoncé. Tant bien que mal, je m'extirpe de ma voiture, encore sous le choc, pour voir la gueule et la taille du frelon qui m'a déclaré la guerre. Aïe, je me tords la cheville sur un bout de fer qui traînait par là. Tiens, une pince, monseigneur. Dans un réflexe d'économie et d'écologie, je jette l'outil sur le plancher de ma bagnole et me dirige vers l'arrière où j'ai un corps désarticulé. Penché sur lui, j'essaie de juger de son état. Son visage est boursouflé d'une énorme claque, les paupières légèrement entr'ouvertes laissent apercevoir deux yeux blancs qui prouvent que le mec a son compte. Il respire pourtant, heureusement, car je me voyais mal lui faire du bouche à bouche. « Je viens d'appeler les pompiers », me fait un homme bedonnant qui descend la rue avec précaution. Je l'ai vu passer devant ma fenêtre en trombe et quand j'ai entendu le bruit, je me suis pensé « Tiens, ça y est, ce con s'est planté. Ça va le calmer, c'est sûr. » Ils passent comme des flèches dans cette rue et en sens interdit en plus, je vous demande un peu. Ils sont cons, ces jeunes. Attention, hein, faut pas le toucher. Le gars doit avoir au moins une fracture quelque part, mais ce qui m'inquiète, c'est le traumatisme crânien qui l'a plongé dans une inconscience qui perdure. Il doit être d'origine malgache ou réunionnaise. En tout cas, c'est un beau spécimen, taille XXXL. Pas étonnant qu'il m'ait démoli la bagnole. Les sirènes annoncent l'arrivée des secours accompagnés d'une voiture de la police municipale. Pendant que le médecin des pompiers fait le tour des dégâts apparents, un flic commence à faire les premières constatations à coups de bic. « J'ai rien pu faire, lui dis-je. Je l'ai pris en pleine poire. Il descendait la rue à fond la caisse. Quand j'ai réalisé, il était déjà de l'autre côté de la bagnole. Vous le connaissez? Jamais vu. Bon, on l'amène à l'hôpital Nord. On préviendra la famille. » Le flic inspecte mes papiers. À la lecture de mon nom, il esquisse un sourire. « C'est pas de bol, dit-il, mais pour lui non plus, remarquez. Bon, je ne vais pas vous apprendre le métier. Vous viendrez au commissariat pour une déposition. » Les flics dégagent les débris de la mob et glissent l'épave dans le car de police. Soudain, la pense monseigneur me revient à l'esprit. Mais je me décide de me taire. Je ne suis pas un cafeteur. Ce mec venait ou allait faire un coup pas très clair et je trouve qu'il est suffisamment amoché comme ça. Inutile de lui mettre autre chose sur le dos. Je me retrouve seul, au milieu de la rue, trempé. La mini explosée, maintenant pleine de flotte, vu que la pluie ne s'est pas arrêtée. Impossible de la remettre en marche. Le radiateur a explosé, et ma pauvre mini a fait les os, comme une parturiante. Le voisin ressort de chez lui. « Vous voulez un coup de main ?» me propose-t-il. « Non, merci. Mais ma deux, nous n'arriverons pas à la pousser dans la côte. Je vais redescendre au frein à main et à la guérir au coin. » J'aviserai plus tard. Un méridional qui traînait sur le plancher me fournit un bon emballage pour planquer la pince monseigneur et je remonte vers la maison avec mon sac de voyage. Dès le milieu des escaliers, je m'aperçois que quelque chose ne va pas. J'ai laissé la porte entrebâillée en partant. Décidément, l'amour fait faire des conneries. Parvenu devant la porte, je constate que ce n'est pas moi qui fais des conneries. Les bouts de bois par terre m'alertent et m'alarment. Le dormant a salement morflé. Je pousse la porte doucement, au cas où les mecs seraient encore dedans. Si une tête se montre, je sens que la pince monseigneur va servir de façon sanglante. Ah, les salauds, les fumiers. Putain, il ne reste plus rien debout, dentier et d'utilisable. Pourquoi casser? Les volets ne leur suffit pas, ces fils de pute. Je pénètre dans mon appartement en évitant de me casser la gueule dans les débris qui jonchent le sol. J'erre au hasard, abasourdi, sans savoir par quoi commencer. Tout est cassé, lacéré, arraché, piétiné. Douleur. Ma Fender, cassée en deux morceaux, que seules les cordes retiennent, les salauds. Je m'assois par terre, car il n'y a plus aucun siège disponible. Mon regard continue à errer sur l'étendue des dégâts, et je constate que mon père est agi au milieu des débris. Il y a aussi quelques billets épars qui étaient glissés dans un bouquin. La pince, monseigneur, pauvre naïf que je suis. Voilà à quoi elle a servi. Et moi, brave homme, je l'ai ramassé, supprimant ainsi le seul indice qui existait. Ah, le frelon, bordi. J'aurais dû accélérer quand il s'est pointé, ou faire marche arrière pour l'escagasser. de colère et de désespoir, je me mets à pousser un rugissement libératoire qui a pour effet d'ameuter mon voisinage. Mimil, le pote d'en face, pointe sa trogne par la porte entrouverte. « Oh, Volpi, qu'est-ce qui t'arrive ?» Il entre dans la pièce et s'exclame. « Oh, pauvre ! Putain, qu'est-ce que c'est que cette oeil ? Un ouragan ?» Il pénètre un peu plus avant dans l'appartement. « Oui, oui, oui, c'est pas vrai. Il faut que tu portes plainte tout de suite, commissaire. Tu te rends compte le prix des dégâts ?» Là, je sens le propriétaire qui réagit, car Mimil possède 3 ou 4 appartements dans l'Estac, et si l'un de ses locataires lui mettait les lieux dans cet état, il en attraperait une attaque. « Tu parles si je m'en rends compte. Ce n'est pas une catastrophe naturelle, ni même un dégât des eaux, mais c'est un tremblement de terre. En plus, on ne m'a rien volé. Mais si on t'a volé, Fada, il faut tout apprendre à toi. La télé, là, fait-il en la montrant. Elle a disparu. T'as la facture. L'argent, il n'y a plus un sou. Ramasse-le, bestias. L'appareil photo, allez-y, prends-le. On va le mettre chez moi. » Et le poste de radio, la chaîne stéréo, on t'a tout volé, tout cassé. T'es pas dégourdi, t'es pour un flic. Tu sais vraiment pas y faire. Et la bagnole, Mimil, t'as pas vu la bagnole, elle est fracassée. Je vais te prêter la mienne. Pour aller taper la carte, je n'en ai pas besoin. J'y vais à pied. Allez, viens, avant qu'ils viennent faire le constat. On va enlever les débris de tout ce qui peut être remboursé. On va les mettre chez moi en attendant. Oh, mais tu sais, Mimil, ce sont des collègues qui viendront. Et tu leur fais confiance. Allez, arrête, Fada, bouge-toi. Allez, Mimil, laisse tomber les morceaux de télé et le reste. Ma déclaration leur suffira. Montre-moi plutôt ta bagnole. Il est certain que le message que l'on m'a envoyé est clair et sans ambiguïté. Je commence à avoir une petite idée sur ceux qui me l'ont envoyé. Du coup, je sens que je vais être très attentif au chevet du gros frelon à l'hôpital Nord. Il faudra qu'il crache le morceau sur le nom des commanditaires du massacre. « Allez, arrive !» me fait Mimil. « La bagnole est dans un garage dans la rue derrière. » Et je suis Mimil, bien à contre-cœur, mais dans l'instant présent, je suis bien content qu'il y ait quelqu'un qui prenne les choses en main. Ça me dispense de réfléchir. En partant, jusqu'à mot discrètement la pince Monseigneur, elle me servira. Près de l'église, Mimil s'arrête devant une porte de garage en tôle épaisse, renforcée de fortes barres. « Eh ben, tu prends tes précautions, toi !» Ici, si tu fais pas ça, vaut mieux que tu laisses le garage ouvert carrément. Comme ça, au moins, tu évites les frais de menuiserie. Une pimpante 204 se cache à l'intérieur dans sa roblie de vin. Elle est neuve, ta bagnole, Mimil. Je m'en sers que pour aller voir mon frère à Toulon et pour monter au village l'été. Quand quelqu'un d'ici dit monter au village, cela signifie que sa famille est originaire d'un village des Alpes et qu'elle y possède encore un bien quelconque. Inutile de préciser, tout le monde comprend. En revanche, si c'est un Corse, monter au village veut dire rentrer chez soi, dans son pays. Tout est question de nuance. Une fois la batterie rebranchée, la 204 démarre au quart de tour et je prends la direction du commissariat local. Après une rapide déposition de routine, je leur demande de faire un tour dans mon appartement pour constater les dégâts. « Oh, ce n'est pas la peine, on me fait confiance. » Philosophe, le gardien me lance doctement. « Il y a des jours comme ça où il ne faudrait pas se lever. »